ont jamais vu la mer, qui connaissent plus le goût des cerises. Y en a qui ont jamais vu la neige, qui savent plus comprendre un sourire. C'est nous qu'on a ouvert la brèche. J'ai 8 ans, je suis un flocon de glace. Trace de ketchup sur photo de classe. Et moi je déborde dans les coloriages. J'apprends à sourire sous la pluie. Je rêve de tes mains comme appui. Tête mes angoisses à la nuit, je laisse. On a grandi dans la vitesse. Si tes larmes sont salées, c'est peut-être pour que ton sourire se fige. Tête sur la trevie du monospace. Des rêves dans des vitrines, des frères au ch'tard. Des sœurs dans des vitrines, nos payes au bar. La queue en civil tourne comme la poisse. Reste de la poudre sur ta table basse. Tu rigoles bien fort mais ça se voit que t'es triste. Il restait du rimmel donc tes larmes sont grises. Ça t'apporte pas grand chose que de la poésie. Comme une poussière, donc je veux rester dans un souvenir. M'envoler comme une poussière avant de partir dans un soupir. Poussière, je vais mourir. Poussière, au milieu, soupir. Pour finir, poussière, je suis né. Poussière, je vais mourir. Poussière, au milieu, soupir. Pour finir. Y'en a trop qui ont jamais vu leur père. Jamais. Qui connaissent pas le goût d'une fraise. Hey. Qui connaissent pas le goût de la fierté. Hey. Qui connaissent pas le goût d'un frère. Et c'est pas normal, plus personne se regarde. C'est pas normal, plus personne se parle. C'est pas normal que tu fasses ton selfie en contre-plongée pour pas qu'on voit le mendiant par terre. Putain de sa mère, j'arrive plus à m'allumer dans ta fête. Si je ralasse une grégousse, c'est juste pour la voir s'exploser sur ta tête. 300 balles, faites-moi souffrir que je me sente vivre. Je me sentirai plus léger, les yeux vides. Ça fait bien trop longtemps que je ressens rien. Alors faites-moi pleurer que je me sente rire. Et toi, ça baigne. Et toi, ça va. Wang, ça brasse. Wang, ça pète. Tu rentres, tu sors, on dirait que tu baises. Si moi ça va, je te dirais que ça se passe. J'attends d'accepter d'être que moi-même pour moi. Voler comme une poussière. Je suis né comme une poussière, donc je veux rester dans un souvenir. M'envoler comme une poussière avant de partir dans un soupir. Poussière, je vais mourir. Poussière, au milieu, soupir. Pour finir, poussière, je suis né. Poussière, je vais mourir. Poussière, au milieu, soupir. Pour finir, poussière. Poussière, je vais mourir. Poussière, au milieu, soupir. Pour finir, poussière, je suis né. Poussière, je vais mourir. Poussière, au milieu, soupir. Pour finir, poussière.